Comment direz-vous si vous m'aviez appelé hier soir et m'aviez dit que vous arriveriez aujourd'hui? Je vous aurais attendu. J'aurais fait une réservation et nous aurions dîné au restaurant. Bon, essayons. Alors, si vous, Usted, si vous m'aviez appelé hier soir... Si me ha llamado... Ça c'est si vous m'avez appelé. Mais je vous ai dit si vous m'aviez. Comment dit-on avoir, le plongeoir? Haber. Haber. Donc, j'ai, ça sera... Je l'ai acheté. Lo he comprado. D'accord, lo he comprado. Et si vous voulez dire « je l'avais acheté », ça sera « lo había comprado ». C'est ça, « lo había comprado ». Je l'aurais acheté. « Lo habría comprado ». D'accord. Et maintenant, « si j'avais », après « si », on emploie le « había ». Non, le subjonctif. « Hubiera ». D'accord. Donc, si vous m'aviez appelé hier soir... Si me hubiera llamado anoche. D'accord. Si me hubiera llamado anoche, et m'aviez dit, donc, et si vous m'aviez dit... Et si... Vous m'aviez dit... Me hubiera llama... Dit. Dicho. D'accord. Alors, encore une fois, si me hubiera llamado anoche y... Me hubiera dicho. Si me hubiera dicho que vous alliez arriver. Que... Que vous alliez arriver aujourd'hui. Vous alliez arriver, se dit... Iba. C'est ça, iba. Iba est une exception. Une autre exception, c'est era, du verbe ser. Et... La troisième, c'est « beir », du verbe « ber ». Ce n'est pas « bia », mais « beir ». Ce sont les seules exceptions. Pour le reste, on a « aba » et « ia ». Mais pour le verbe « aller »,« ir », c'est « iba ». Alors, si vous m'aviez dit que vous alliez arriver aujourd'hui, ça sera, encore une fois, si vous m'aviez dit... Si me hubiera dicho... Que vous alliez arriver. Que iba a... Arriver. Llegar. Aujourd'hui. Hoy. Je vous aurais attendu. Je vous aurais... Le habría esperado. D'accord. Le habría esperado. Je vous aurais attendu. J'aurais fait une réservation. Habría... Habría, j'aurais, oui, fait une réservation... Hecho una reserva. Habría hecho una reserva, tout à fait. Et nous aurions dîné au restaurant. Nous aurions dîné. Habríamos. Habríamos, oui. Nous aurions dîné. Cenado. Habríamos cenado. Habríamos cenado au restaurant, en el... En el restaurante. Non. Restaurante. Habríamos cenado en el restaurante. D'accord.